Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Un mag tout en musique aujourd'hui puisqu'on va échanger avec un artiste nazellois, Tugdual Blanchard, auteur, compositeur, interprète. Un artiste qui a déjà pas mal navigué et pas seulement dans la musique, puisqu'avant d'être chanteur, Tugdual était marin-pêcheur. Il a donc troqué ses filets contre une guitare et se produit sous le nom de Soyez comme l'eau. Ce vendredi, il sera en concert à l'ASC Bar de Mône à partir de 20h. Soyez comme l'eau, c'est aussi un coup de cœur radioactif. Vous avez sûrement déjà entendu ces morceaux tourner sur nos ondes comme ça. Ou encore ça. Tu te remplis la panse, tu oublies la licence et ta surabondance que l'État couvait dans. Nous sommes allés à sa rencontre pour vous, on écoute. Alors, Tugdual, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours ? Mon parcours musical ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est le but un peu du truc, là, non ? Mon parcours musical, bah, du coup, je fais de la musique depuis un petit peu de temps maintenant. C'est la quatrième saison que je vais entamer avec le nom « Soyez comme l'eau ». Je me produis tout seul avec ma guitare et mes textes et mon humour et mon humilité et mon humour et mon humilité qui est vraiment très très grande. J'ai une petite pédale qui m'accompagne, qui fait la basse et la batterie, ce qui fait qu'on ça permet de compenser ma schizophrénie et de faire comme si on était trois sur scène en fait. C'est à peu près ça. Alors justement, ton nom de scène, Soyez comme l'eau, ça nous intrigue. Pourquoi avoir choisi cette image ? Parce que j'aimais bien l'idée, j'en parle un peu au début de mes concerts, c'est l'idée de pouvoir s'adapter, de pouvoir prendre plusieurs formes. Je dis ça au début des concerts, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, ça vient d'ailleurs. Et c'est l'idée de que si on met de l'eau dans une théière, elle devient la théière. Si on met de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Elle s'adapte, quoi, elle prend toutes les formes et elle peut couler tout doucement, être très douce et très reposante. Et à la fois, elle peut frapper très très fort et casser beaucoup de choses. J'aime bien ça. Ok. Tu joues vendredi à l'ASC Bar de Mône où Renaud, le patron des lieux, qu'on remercie pour son ouverture aux groupes locaux d'ailleurs, va t'accueillir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à cette occasion ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Alors pour ceux qui ne m'ont pas vu depuis un petit moment, si on peut dire, mon spectacle a un petit peu évolué. On pourrait dire qu'il y a de l'Arturo Brachetti cheap. On peut dire aussi qu'il y a des nouvelles chansons que les gens ne connaîtront pas tous. De toute façon, en général, les gens qui viennent à mes concerts, ils ne connaissent pas vraiment mes chansons. Il faut être lucide. J'ai un petit public de 3-4 personnes qui se déplacent des fois et c'est, ma foi, assez sympa. Et ça commence à devenir assez, d'ailleurs, comment dire, ça me touche profondément de voir les lèvres bouger à certains moments. Ça réchauffe un peu mon petit cœur, ça fait du bien. Justement, on parle de ta musique. Dans quelques instants, je propose qu'on écoute ton titre « Lit déchu » que les auditeurs connaissent déjà bien sur Radioactive. C'est une chanson très forte et plus que jamais d'actualité. Tu peux nous en dire plus sur ce qu'elle raconte ? Ouais, elle parle d'une idée à un moment donné que je me faisais d'une idée de valeur de la gauche pour la cité. J'avais commencé à écrire ce texte en 2014 suite à l'avènement deux ans après de François. Et j'étais déçu en fait justement de ça, de ce socialisme-là. Et j'avais commencé à écrire cette chanson à la base, elle s'appelait pas L'idée chue, elle s'appelait Fanche, qui veut dire François en breton. Et j'ai remanié le texte et tout ça pour en faire quelque chose de finalement plus global. Alors forcément ça parle pas mal de la gauche, mais aussi de la déception que peut-être la politique face aux citoyens des fois. Tu te définis comme un artiste engagé ou plutôt comme un témoin qui met en musique ce qu'il observe au quotidien ? Waouh ! Moi, je suis engagé de ouf, ma boule. Je défonce des grosses portes ouvertes, mais j'aime bien témoin. En fait, je suis juste quelqu'un qui... Enfin, les gens qui font des chansons, pour ceux qui les écrivent en tous les cas, pas les interprètes, mais ils parlent de ce dont ils ont envie de parler. Enfin, j'espère que ce n'est pas des commandes. Et ce qui les touche, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la politique. Ce qui me touche, c'est mes enfants. Ce qui me touche, c'est ma compagne. Ce qui me touche, c'est ma vie personnelle en fait. Et j'ai envie de raconter tout ça très humblement. L'idée, c'est pas de la défendre dans des stades ou des machins ou de dire pensez comme moi. J'ai juste envie de dire j'ai un truc à dire. Des fois, j'ai pas l'espace pour le faire. Et j'aime bien la chanson. J'ai pas forcément envie que ce soit sophistiqué. Juste que ça parle. Et puis moi, ça me fait du bien en fait. Enfin, en vrai, ça me libère. À chaque fois, avant chaque concert, je me dis mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? C'est bête. Là, par exemple, je joue dans quelques jours et je me dis oh, j'ai pas envie d'y aller. Et je pense que toute la journée du vendredi, ça va être comme ça. Et puis quand je vais commencer à monter mon matériel chez Renaud, ça ira mieux. Et puis après, je vais faire une chanson, puis ça ira beaucoup mieux. Et arriver à un moment donné où je vais faire traîner dans la durée parce que je vais avoir du mal à lâcher le crachoir parce que en fait, ça me fait du bien et ça me fait vraiment du bien en fait d'être devant les gens. Je suis un peu clown comme ça. Ça nourrit un peu mon petit ego et ça me fait du bien. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais ça me fait du bien. En même temps, ça fait du bien aussi quand on est dans le public, donc on s'y retrouve. Alors, Soyez comme l'eau est encore jeune, mais déjà bien remarqué, puisqu'il y a quand même pas mal de dates qui se sont égrenées ces derniers mois. Mmh. Est-ce que tu as des envies pour la suite, album, collaboration? J'ai pas d'envie particulière, si ce n'est que celle de continuer en tous les cas. C'est toujours un peu galère à chaque période là, cette année. Enfin, je disais tout à l'heure, je vais entamer là, en 2026 la quatrième saison, entre guillemets. Et comme c'est moi qui cherche les concerts, qui fait tout en fait, la communication, les graphismes. Tu es ton propre agent. Je suis exactement tout ça. Je suis mon tourneur, mon agent, je suis mon rodi, je suis mon régisseur, je suis tout cela. Et ça prend du temps. Et là, je viens de reprendre des études, ce qui me prend aussi pas mal de temps. Donc peut-être que pour l'année prochaine, j'essaierai de, non pas que les trucs d'avant n'étaient pas du tout qualitatifs, mais plutôt de pas forcément chercher la quantité. Là, les années d'avant, en gros, je faisais une quinzaine de concerts par an. Et là, si je peux en faire un peu moins, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien essayer de faire du festoche un peu. Ça me botterait bien. Des tremplins, pourquoi pas. Des trucs qui soient, qui me poussent un peu plus, qui soient un nouveau challenge, en fait. Peut-être d'essayer d'aller vers la grande ville. Ça me fait encore un peu peur. Mais là, j'ai envie aussi quand même de retourner dans des petits endroits parce qu'il y a plein de gens, je pense à la Localuna par exemple en particulier, ou à l'Atelier Amboise, qui sont des gens qui, dès le début, m'ont fait confiance et m'ont dit « vas-y, viens jouer, nous on supporte les petits groupes et du coup c'est cool ». Parce que quand t'as pas de nom, au début c'est vachement pas facile. Et quand tu commences à en avoir un petit, un peu, certains te disent « Ah, en fait, j'aimerais bien que tu viennes jouer chez moi. » Ouais, mais t'as pas voulu quand j'étais tout petit. Alors, je dis pas que je suis grand, mais je sais pas vers quoi je vais te tendre, mais en tout cas, j'ai envie de continuer. Ça, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'à un moment donné, si les amis avec lesquels j'étais au départ ont du temps, j'aimerais bien refaire de la musique à plusieurs aussi. Parce que maintenant, c'est sûr que mon truc, il est bien, je suis tout seul et tout ça. Donc, je gère vraiment ma baraque. Et je pense qu'emmener quelqu'un d'autre dans cette aventure, ce sera un nouveau défi parce qu'il faudra que je laisse de la place. Ça peut être complexe à des moments, quand on mène sa barque depuis quelque temps. Alors, Tugdual, pourquoi il faudrait être à la SC Bar de Mône ce vendredi 19 septembre à 20h? Parce que sur le papier, potentiellement, c'est peut-être le dernier de l'année. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais quand même. Parce que ça fait depuis le mois de janvier que Renaud, du coup, je crois qu'il a ouvert son troquet, qu'on était en communication depuis décembre, et que dès janvier, déjà, je devais jouer, et on n'a pas arrêté, en fait, de décaler des dates de ma part ou de la sienne, parce qu'il y avait des petits couacs, quoi. Donc là, cette fois-ci, on a réussi à se caler, donc il ne faut pas rater ça. Que ça montre aussi, parce que c'est cool, Mône, ça bouge. On a vu le week-end dernier, il y avait un gros festival, malgré la pluie. Et puis voilà, et puis, alors, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas le lieu, mais je pense que c'est bien, parce que la personne est sympa. Et ça, déjà, je pense que le troquet, ça transpirera la sympathie dedans. Et ça y fait beaucoup. Merci beaucoup, Tugdual, à vendredi. Merci Marlène, à vendredi. Et c'est la fin de ce mag, on remercie Tugdual de son nom d'artiste Soyez comme l'eau et on se quitte en musique sur L'idée chue, l'un de ses titres qui le représente bien. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Pas simplement quand je me rase. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. D'ailleurs ils s'en foutent, oui je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et putain ça me coûte. Mademoiselle à gauche, rebelle progressiste, héritière putative de la classe ouvrière. D'idées de mouvement engagées hier, combative mais un brin optimiste. Voudriez vous prendre pour époux, monsieur le marché ici omniprésent. Le juré fidélité sans jamais d'amant, le chérir au mépris d'un peuple fou. Déçu tu m'as depuis des années. Mais je sais bien que tu me mens. Mais je mens, tu mens, il caïment. Expert en serrage de ceinture, je suis devenu dans la pénitence des avantages indus. Les montées du baril, mais pas de mes revenus. Dis-moi quel acquis encore nous retiras-tu. Je sais que si on n'était pas fous, on finirait tous dingues. Que si on ne croyait pas en nous, on finirait au bout d'un flingue. À te suivre tranquillement comme un chien, à boire tes promesses pour demain. Tout en sachant d'inévitables tragédies, t'as la drogue bien crispée sur le chien d'un fusil. Trouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.